نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc dans ce cours qui sera inshallah le dernier cours de ce séjour pour cette matinée concernera quelques points essentiels, quelques règles dans le manhaj al-salafi. Le manhaj al-salafi qui est la véritable voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Ce n'est pas une secte parmi les sectes, car le mot secte est péjoratif. Et comme il est dit dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé que cette communauté se divisera en 73. 72 iront en enfer, sauf une seule. Ce sont ceux qui sont sur le même chemin que lui, ainsi que ses compagnons, radiyallahu ta'ala, anhum. Al-Salafiyya, c'est une affiliation au Salaf, c'est-à-dire les pieux prédécesseurs, les premiers musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ce sont ceux qui nous ont précédés parmi les trois premières générations, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Les meilleurs des gens, c'est ma génération, puis celle qui vient après, puis celle qui vient après celle-ci. Ce sont ceux qui étaient sur l'islam authentique, l'islam clair, pur, avant qu'il y ait les innovations et les rajouts dans la religion et les altérations dans la religion. Et c'est pour cela qu'il a un devoir pour chaque musulman de revenir à cet islam authentique pour être un véritable et un bon musulman. Et pour cela, il faut, parmi les règles qu'on nous enseigne, فهم السلف للأصلين, la compréhension des pieux prédécesseurs des deux sources. Il est voulu par le mot deux sources, Al-Kitab wa Sunnah, le livre d'Allah et la Sunnah de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est la base même de l'islam. Et le livre d'Allah, où il y a les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la Sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le détail, l'explication, le commentaire du Coran, la mise en pratique du Coran, ils vont de pair. Et le Coran ne peut se passer de la Sunna. On ne peut mettre en application véritablement le Coran qu'avec la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que si quelqu'un prétend avoir une autre source que le Coran et la Sunna, ce n'est pas un musulman. L'islam, c'est un suivi de ces sources qui sont le Coran et la Sunna. Et on a vu dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: taraktu fikum amrayni lam tadillu man ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati wa lan yatafarraqa hatta yalida alayya al-hawd. J'ai laissé entre vous deux choses. Vous ne vous égarerez jamais tant que vous y cramponnez, vous y attachez, le livre d'Allah et ma sunna. Et ils ne se sépareront jamais, Al-Qur'an wa Sunna, jusqu'à qu'ils soient présentés à moi devant le Hawd, le fleuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fil l'akhira, dans l'au-delà. Donc, on présentera au prophète sallallahu alayhi wa sallam Al-Qur'an et Sunna. Et donc, ils vont de pair. Certains, parmi les égarés, ont prétendu qu'on peut se contenter seulement du Coran. On les appelait Al-Qur'aniyin. Et ils se sont éloignés de la Sunna. Et ils n'ont pas voulu prendre comme source les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En faisant cela, ils se sont égarés. Et en plus, ils n'ont même pas pris le Coran comme source. Ce n'est qu'une prétention. Parce que le Coran nous demande de revenir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de suivre et d'obéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: man yuti' ar-rasul faqad ata' Allah. Celui qui obéit au messager obéit à Allah. Wa ma atakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Et ce que le messager vous ordonne, accomplissez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez au messager. وان تطيعوه تهتدوا. Et si vous lui obéissez, vous serez guidé. واتبعوه لعلكم ترحمون. Et suivez-le afin d'être touché par la miséricorde. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: انما اوتيت القران وَمِثْلَهُ مَعَهُ. Certes, il m'a été donné le Coran et son semblable avec. Et Allah dit aussi dans le Coran: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Les ulama disent: et nous avons fait descendre sur toi le rappel. Ici, il est voulu la sunna qu'Allah a révélé à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour que tu expliques aux gens ce qui leur a été révélé, le Coran, et afin qu'ils réfléchissent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: kullukum yadkhuluna jannata illa man aba, qila wa man ya'ba ya Rasulallah, qala man ata'ani dakhala janna, wa man asani faqad aba. Vous tous, vous entrerez au paradis, sauf ceux qui ne veulent pas. On a dit: mais qui ne veut pas entrer au paradis au messager d'Allah? Il a répondu alayhi salatu wa salam: celui qui m'obéit entrera au paradis, celui qui me désobéit, c'est qu'il ne l'a pas voulu. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran nous ordonne d'accomplir la salat, wa aqimu salat, de donner la zakat, wa atu zakat. Les détails de la salat, la manière d'accomplir la salat, les horaires de la salat, le nombre de rak'a dans une salat, comment on le sait tout ça? Ce n'est pas dans le Coran. C'est détaillé dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même pour la zakat, de même pour le sawm, de même pour le hajj. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Litakhudhu anni manasikakum. Que vous preniez de moi vos rites du pèlerinage. Donc, le Coran et la Sunna vont de pair. On ne peut dissocier l'un de l'autre. Mais suivre le Coran et la Sunna demande une bonne compréhension. Le texte a été préservé Allah tabaraka wa ta'ala s'est pris garant lui-même, Azza wa Jal, de préserver le Coran de tout ajout, de tout enlèvement, de toute altération. Personne ne pourra toucher au Coran, car Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons fait descendre, révéler le rappel, le Coran, et c'est nous qui le protégerons, le préserverons. Et de même qu'Allah tabaraka wa ta'ala a mis dans toute époque des imams, des savants spécialisés dans le domaine du hadith pour préserver les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont fait ce travail en tout temps, en enlevant tout ce qui n'en fait pas partie et en montrant à la communauté les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont distingué les hadiths inventés, mensongers, des hadiths faibles, et la akhiri, etc. Combien de gens ont voulu toucher aux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais Allah a mis des savants et des imams, des hommes qui étaient là pour préserver la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de même, la compréhension. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné le Coran, mais pas seulement l'écriture du Coran, ou la lecture ou la récitation du Coran, mais aussi la compréhension du Coran. Il leur a enseigné le sens des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains compagnons disaient, lorsqu'on apprenait le Coran, on ne dépassait pas 10 versets jusqu'à les apprendre, les comprendre et les mettre en pratique. Puis on s'attaquait à 10 autres versets. En faisant cela, nous avons assemblé entre le savoir et la foi. Et les Sahaba radiallahu anhum ont donné cet héritage aux tabi'in, et il leur donnait les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala avec l'explication des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les ulama ont hérité de cela. Et voilà la véritable compréhension du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La véritable compréhension des textes, c'est celle qui nous est donnée de la part des compagnons et des tabi'in et des atba' tabi'in. Voilà le sens véritable de ces deux sources qui sont Al-Qur'an et la Sunna. Et ça, c'est une règle très importante. Beaucoup de sectes et de groupes déviants se sont égarés lorsqu'ils n'ont pas voulu se référer à la compréhension des pieux prédécesseurs. Et ça, c'est une chose qui distingue les gens de la vérité des gens du faux. C'est que pour comprendre le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il retourne à la compréhension des pieux prédécesseurs. Wallahi, c'est incompréhensible qu'on ait le tafsir d'un verset d'après Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, qui a côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un proche du prophète, qui est son cousin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait des du'as en lui disant « Allahumma faqihu fi d-din wa allimhu ta'wil » « Oh Allah, donne-lui la compréhension de la religion et l'interprétation du Coran » et on vient nous ramener des interprétations, des commentaires des gens d'aujourd'hui ou de gens contemporains pour contrer celle de Ibn Abdullah ibn Abbas ou d'un autre compagnon radiallahu anhu. Et des gens ne savent même pas quoi choisir comme explication. Est-ce que je prends celle-là ou celle-là? Wal'iyadu billah. Et quelle éducation! On n'arrive même pas à distinguer la différence entre Abdullah ibn Abbas et un homme qui est venu après. Subhanallah. On n'a pas donné aux gens leur juste valeur. Donc, de dire on retourne au livre et au Coran, ça ne suffit pas. On retourne au livre et au Coran avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Allah nous dit dans le Coran, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Et quiconque fait scission avec le messager, après que la voie lui soit montrée. Là, normalement, Allah subhanahu wa ta'ala, ça suffisait pour dire de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah, il met après, et ne suit pas la voie des croyants. Il suit une voie autre que celle des croyants. C'est qui les croyants au moment de la révélation? Ce sont les compagnons, radiallahu ta'ala anhum. Quelqu'un qui ne suit pas la voie sur laquelle étaient les compagnons, radiallahu ta'ala anhum. Nous le ferons détourner comme il s'est détourné, et nous le jetterons dans la géhenne. Et quelle mauvaise demeure! Et quelle mauvaise demeure! As-sahaba, radiallahu ta'ala anhum, eux, Allah tabaraka wa ta'ala les a agréés, et ils l'ont agréé. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et les premiers parmi les prédécesseurs, parmi les muhajirines et Al-Ansar, Al-Muhajiroun, les premiers musulmans de la Mecque qui ont émigré à Médine. Al-Ansar, ce sont les Médinois qui ont secouru et qui sont venus en aide du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons de la Mecque radiallahu anhum. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les cite et il est clair chez nous tous qu'il n'y en a aucun qui fait partie du Muhajirin et qu'il n'y en a aucun qui fait partie des Ansar. Ce sont ceux qui ont vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est des personnes bien précises. Ce sont les compagnons. Donc Allah, il les cite. Al-Muhajirin ou Al-Ansar. Pour le reste de la communauté, ils n'entrent dedans que s'ils viennent avec cette caractéristique qui est le suivi convenable de ceux qui les ont précédés. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ. Tu veux faire partie de ceux qui ont dans le verset, il faut que tu suives Al-Muhajirin et Al-Ansar convenablement, de la meilleure façon, de les suivre. Ce sur quoi ils étaient, et ce sur quoi ils étaient, c'était l'islam authentique. Ils étaient sur la vérité, sur le droit chemin. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ. Et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon, convenablement. Allah les agrée et eux l'agréent. Et il leur a préparé des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Et voilà le grand gain. Donc, pour faire partie des gens qui vont gagner et qui vont être agréés par Allah et qui vont agréer Allah, il faut suivre convenablement Al-Muhajirin. Et Al-Ansar. De même que l'imam Malik, rahimahullah, un homme est venu le voir et il a commencé à parler en mal des certains compagnons. L'imam Malik l'a regardé et regardé, subhanallah, un alim, comment il répond avec sagesse. Il lui pose des questions à cet homme là où l'imam Malik il a la réponse. Là où il a la réponse. Et il va témoigner que cette personne ne fait pas partie, alors que là, normalement, à l'origine, il n'avait pas la réponse. Mais vu ce qu'il vient de dire cet homme-là, il a eu la réponse. Il lui dit, Allah parle des Muhajirin et parle des Ansar. Est-ce que tu en fais partie? Alors qu'il le sait, que devant lui, ce n'est pas un sahabi qu'il a. Il le sait. Mais cet homme, s'il est honnête, il va répondre, il va dire non. Donc il va réciter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il dit, للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا verset concerne les muhajirins qui ont émigré pour Allah et son prophète صلى الله عليه وسلم. Il va dire, est-ce que tu en fais partie? Il lui a dit non. Donc t'es pas quelqu'un parmi les muhajirins. Puis il lui a dit, والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Il lui a dit, ça c'est l'Ansar, tu en fais partie? Il lui a dit non. Et là l'imam Malik lui dit, et moi je témoigne que tu ne fais pas partie de ceux qui viennent après. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. طيب. Donc la compréhension, ça c'est la fin de dans la sourate al-Hashr. Sourate al-Hashr, vous trouverez inshallah la traduction de tous ces versets. Donc un point essentiel, on ne comprend la compréhension des textes avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Ça, c'est un point essentiel pour être préservé de la déviance, pour être préservé de l'égarement. De même, parmi les règles de la da'wa salafiyya, il y a « إذا صح الخبر شهد العقل » Lorsque le texte il est authentique, on a un verset coranique, on a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la raison se plie à ce texte. Et elle prend ce texte. Et elle suit ce texte, puisqu'il est authentique. C'est-à-dire al-aql muqaddamun. النقل مقدم على العقل. النقل مقدم على العقل. C'est-à-dire que le texte prévaut sur la raison. Parce que vous avez des gens qui ont pris comme source dans la vie et même dans la religion la raison. Et c'est la raison qui va lui dicter ce qui est un bien de ce qui est un mal. Ce qu'il faut faire de ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut accepter comme texte de ce qu'il ne faut pas accepter comme texte. Et ça, c'est contraire à la vérité. Et contraire à la droiture. La raison, c'est comme tout ce qu'il y a dans la création. C'est qu'une créature. C'est qu'une créature. Et elle est finie, limitée. Et c'est un outil qu'Allah nous a donné pour pouvoir méditer, comprendre la révélation, et non pas un arbitre et un juge de la révélation. Il y a des sectes qui se sont égarés, qui ont prétendu que c'est la raison qui décidera de dire si telle chose est un bien ou telle chose est un mal. C'est faux. Le bien, c'est ce que la religion a considéré comme bien. Et le mal, c'est ce que la religion a considéré comme mal. Et si ta raison n'arrive pas à comprendre cela, tu te dois de te soumettre et de faire un travail sur toi jusqu'à l'accepter. Celui qui connaît le bien et le mal, c'est notre Créateur subhanahu wa ta'ala. Il se peut qu'on voit une chose en bien, alors qu'en réalité c'est un mal. Et il se peut qu'on voit une chose en mal, alors qu'en réalité c'est un bien. Et Allah, lui, il sait. Et nous, on ne sait pas. C'est Allah qui nous enseigne, subhanahu wa ta'ala. Il y en a même des prêcheurs qui écrivent des ouvrages et qui prétendent des choses Il y en a même un, il a eu l'audace de dire, je prends le hadith faible, daif, s'il est en conformité avec ma raison. Et parfois, je trouve des hadiths dans le Bukhari. Et je ne les prends pas parce qu'ils sont en contradiction avec ma raison. Wal'iyadu billah. Ça, c'est de l'égarement. C'est de l'égarement. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'ti Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Il n'était pas permis à un croyant ni à une croyante, lorsqu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, de décider d'eux-mêmes. Et celui qui désobéit à Allah et à son messager ne fait que s'égarer d'un égarement évident. Et parmi les règles aussi importantes, as-sam'u wa ta'a ma lam yu'mar bil ma'siyah. D'écouter et d'obéir tant qu'on ne t'ordonne pas quelque chose d'interdit. Entre dedans, d'écouter et d'obéir à ses parents, l'épouse qui écoute et obéit à son mari, le peuple d'écouter et d'obéir, le gouvernant, l'autorité. Et ça, c'est un devoir, c'est légiférer, mais seulement lorsque ce qu'on te demande est autorisé dans la religion. Si on te demande d'accomplir quelque chose d'interdit, de haram, tu n'as pas le droit d'obéir. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innama ta'atu fil ma'ruf » Certes, l'obéissance n'est que dans le bien, dans ce qui est permis. De même qu'il a dit alayhi salatu wa salam, la ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq. Il n'y a pas d'obéissance à une créature lorsque cela amène à la désobéissance du créateur. Et là, en l'occurrence, je tiens à préciser certains points important pour les frères et les sœurs. L'importance de l'obéissance des parents. Les parents, il faut leur obéir et il faut les écouter. Ce sont les personnes sur terre les plus prioritaires auprès de toi. Personne ne passe avant. Après Allah et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez que l'agrément d'Allah est dans l'agrément des parents. Et la colère d'Allah est dans la colère des parents. Imaginez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de parents qui font tous les efforts pour que leurs enfants viennent à adorer des divinités en dehors d'Allah. C'est la pire des choses qu'on puisse demander à quelqu'un. C'est de faire du polythéisme. Allah, qu'est-ce qu'il nous dit ? وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا. Et s'ils viennent à faire des efforts, ils accentuent leurs efforts pour que tu adores en dehors de moi ce sur quoi tu n'as pas connaissance, alors ne leur obéis pas. Voilà, tu ne leur obéis pas. Tu ne fais pas ce qu'ils te demandent. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Et accompagne-les convenablement dans cette vie d'ici-bas. Subhanallah. Ils font ça, mais d'un côté on ne leur obéit pas sur ce qu'ils nous ont demandé, mais on se doit d'être bon envers eux. Là, c'est, on peut dire tous, alhamdoulilah, on ne vit pas ce problème-là. On n'en est pas arrivé à ce degré-là. Et il y en a qui prennent des résolutions qui sont fausses. Et ils pensent bien faire, mais en vérité ils font le mal. Ils coupent les liens avec leurs parents. Soit disant parce qu'ils ne sont pas musulmans, soit disant parce qu'ils ont du mal à accepter telle ou telle chose. Non, tu continues, tu ne désespères pas. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué à inviter son oncle Abu Talib à l'islam et même les gens de la Mecque tant qu'il a pu. jusqu'au dernier moment. Yalak Abu Talib, jusqu'à que il était mourant. Et il lui a même dit, dis la ilaha illallah, une parole dont je serai le témoin, yom al-qiyamah, auprès d'Allah. Mais il n'a pas voulu, et il est mort dans le shirk, ou le kufr. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Certes, tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Subhanahu wa ta'ala. Donc il faut pas désespérer. Tant que la personne est en vie, il y a de l'espoir. Mais celui qui guide, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu ne fais que la cause. Et de même, un point dans lequel beaucoup de gens se sont égarés, ouvertement, et certains en ont les ambiguïtés dans leur tête, c'est d'écouter et d'obéir aux gouvernants. Et pour commencer, cela est dû à quoi? Cela est dû à l'oreille. C'est que les gens prêtent oreille à n'importe qui. Et aux yeux, les gens lisent n'importe quoi. Tout ce qui leur tombe entre les mains, ils le lisent et ils l'écoutent. Et surtout au jour d'aujourd'hui. Avec Internet, avec les chaînes satellitaires, avec tout ce qui se passe, et n'importe qui peut prendre la parole, jusqu'à ce que même dans une des chaînes, ils ont une émission qui s'appelle, comment elle s'appelle l'émission, Minbar, Man la Minbar Allah. C'est la chair de celui qui n'a pas la chair, c'est-à-dire c'est comme si on disait la chaise pour celui qui n'en a pas. On donne la parole à celui qui normalement ne lui donne pas la parole. Et chacun vient ramener ce qu'il veut. Subhanallah. Et les gens, ils écoutent. Ce n'est pas du savoir, ça. Et ce n'est même pas des gens qui ont le savoir. C'est des gens qui parlent avec leur nefs, avec leur passion, avec leur désir, leur nervosité, leur haine. Ce n'est pas du savoir. Les gens ne savent même plus qu'est-ce que la vérité. Quelqu'un qui monte sur le minbar et qui parle sur les gouvernants, il dit, lui dit la vérité. Subhanallah. Eh bien, on va lui demander de parler sur toi et de dire tous les péchés que tu fais. On va voir si c'est pas la vérité, ça. Subhanallah. On va voir si tu es content devant tout le monde qui vont te regarder. Et qui vont, ils vont voir vraiment qui tu es. Et quel péché tu as fait tel jour et tel jour. Subhanallah. Et ils sont les règles de l'islam. Pour eux, c'est ça la vérité. La vérité, c'est qu'à Allah. C'est qu'à la Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a ordonné de respecter les gouvernants. Et si jamais il y a un mal, tu en es capable, va le voir. Rends-lui visite. Et parle-lui de ce mal-là. Si tu connais une personne qui est proche et qui peut aller lui dire, tu vas voir cette personne, c'est un des moyens légiférés. Mais de parler comme ça sur les péchés des gens. Et le gouvernement fait partie des gens. Et donc lorsqu'on parle des droits des musulmans, il entre dedans, subhanallah. Et en premier lieu, parce que c'est une autorité et c'est un gouvernant. Mais beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ce qui pousse les gens à ces choses-là, c'est qu'eux-mêmes, ils veulent le pouvoir. Mais chacun prend un chemin pour l'atteindre, ce pouvoir. Wal'iyadu billah. Et parfois les gens se cachent derrière des vérités. Mais ils ont une mauvaise intention. Leur intention, elle est mauvaise. Et comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Les actes ne valent que par leurs intentions. Et chacun sait pourquoi il a eu l'intention. Donc les gens, parce qu'ils ont une envie, et ils vont chercher sur internet ce qu'ils veulent. Et ils vont écouter celui qui leur fait plaisir. Ce n'est plus pour chercher la vérité. Certains, leur expérience de la vie, ils en font une religion. C'est un dalil, c'est une preuve. L'autre, il te dit, j'ai été emprisonné, j'ai subi, pour prouver qu'un tel, voilà qu'est-ce qu'il faut faire contre lui. Wal'iyadu billah, depuis quand c'est un dalil, ça? Et on dit dans cela, on ne légitime pas le mal, ou les contradictions de la religion. ou les injustices. Et ce n'est pas parce qu'il y a parfois de l'injustice ou il y a un mal qu'on se doit de dévier de la droiture et de dévier de la religion. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire à un enfant, n'obéis pas à tes parents, parce que tes parents, ils sont pas dans la droiture, parce que tes parents, ils font telle chose et telle chose, comme mal, donc tu n'as plus à leur obéir. Alors pourquoi on le dit de l'autre côté, subhanallah? C'est illogique. Et pour l'occasion, je vais vous réciter quelques hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ce que je viens de vous dire. قال عليه الصلاة والسلام من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية متفق عليه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. Celui qui n'aime pas une chose provenant de son gouverneur, qu'il patiente. Car celui qui sort de l'autorité ou de l'obéissance du gouvernant, même si il n'est sorti que de la distance d'un enfant. Un enfant, c'est la distance qu'il y a entre le pouce et l'auriculaire. Ça, on appelle ça un enfant. Que de cette distance-là, il s'éloigne. Et il meurt comme une mort de l'époque pré-islamique. Apporté par Al-Bukhari Muslim, d'après Ibn Abbas, radiallahu anhu. قال عليه الصلاة والسلام من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه رواه مسلم عن عرفجة بن شريح الأشجعي. Et dans ce hadith rapporté par Muslim d'après عرفجة رضي الله عنه, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: celui qui vient à vous alors que vous êtes unis derrière un seul gouvernant et qui veut diviser dans votre, enfin mettre la division dans votre communauté ou votre groupe uni, alors tuez-le. Il mérite la sentence, cette sentence, parce qu'il est venu pour faire un trouble et un grand mal. قال عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة متفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: la personne musulmane se doit d'écouter et d'obéir dans ce qu'il aime et dans ce qu'il n'aime pas. Vous avez vu, subhanallah, que le bien et le mal, là-bas, c'est quoi? C'est la religion et non pas la raison. Parce que là, il dit quoi? Tu dois écouter au bien dans ce que tu aimes, dans ce que tu n'aimes pas. C'est bien la preuve que c'est pas parce que tu n'aimes pas une chose que c'est une désobéissance. Que tu n'aimes pas une chose, ça veut dire qu'elle est mauvaise. Non, ça c'est propre à toi. Et ça, ça diffère d'une personne à une autre. Et des gens peuvent avoir ça comme point commun. Mais ce n'est pas tout le monde. Mais là où tout le monde est d'accord, c'est dans le bien et le mal qui est dans la religion, ça c'est vraiment la vérité. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et c'est ce qui est pris en considération. Et c'est pour cela que dans la nourriture, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui présentait de la nourriture, s'il en voulait, il en mangeait. S'il n'en voulait pas, il n'en mangeait pas. Et jamais il a critiqué une nourriture. Et lorsqu'il n'aimait pas quelque chose, il ne demandait pas aux autres de ne pas le manger. Parce que si moi j'aime pas tel légume, il se peut que toi tu l'aimes ce légume. Et je n'ai pas de le faire détester, puisque c'est quelque chose de licite, c'est permis. Subhanallah. Donc, d'écouter et d'obéir dans ce qu'il aime et dans ce qu'il n'aime pas. En faisant cela, même quand il sent une difficulté, mais il le fait pourquoi? Parce qu'il a la conviction qu'il est en train d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il le fait parce qu'Allah lui a demandé de le faire. À ce moment-là. Sauf lorsqu'on lui ordonne une désobéissance. Alors si on lui demande une désobéissance, de faire un péché, alors il n'y a pas d'écoute et il n'y a pas d'obéissance. Apporté par Al-Bukhari Muslim, d'après Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان متفق عليه. Et dans ce hadith, Ubadah ibn Samit radiallahu anhu dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a invités à l'islam et nous lui avons prêté allégeance. Et parmi les choses dans lesquelles on a fait l'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui nous a fait l'allégeance, qu'on se doit d'écouter et d'obéir lorsque on se sent bien ou lorsqu'on se sent mal, lorsque c'est difficile et lorsque c'est facile, et qu'on ne contre pas l'autorité de quelqu'un. Quelqu'un qui a autorité, on n'essaie pas de le contrer, on essaie de prendre sa place ou de monter des gens contre lui. Non, c'est lui qui a l'autorité, on respecte sa place. Et le prophète en fait a dit, sauf lorsque vous voyez en lui une mécréance claire et nette. Ce n'est pas des dires, ce n'est pas des suppositions, ce n'est pas des hypothèses, ce n'est pas une interprétation claire et nette. Et c'est qui le sait clairement? Ce sont les gens du savoir. C'est eux qui vraiment qui le savent et qui connaissent les règles de l'islam. Et que vous en avez une preuve auprès d'Allah. Une preuve, une clairvoyance auprès d'Allah. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Wa qala alayhi salatu wa salam, innahu la nabiyya ba'di, wa la ummata ba'dakum, ala fa'budu rabbakum, wa sallu khamsakum, wa sumu shahrakum, wa addu zakata amwalikum, tibatan biha nufusukum, وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. رواه ابن أبي عاصم عن أبي أمامة الباهلي. Et le prophète صلى الله عليه وسلم dit, certes, il n'y a pas de prophète après moi, et il n'y aura plus de communauté après la vôtre. Adorez votre Seigneur et priez vos cinq prières obligatoires et jeûnez votre mois de Ramadan et acquittez-vous de la zakat de vos richesses avec un bon cœur. Lorsque vous donnez la zakat, donnez-la avec satisfaction et non pas comme si vous avez été forcé à la donner, hein, avec rancœur. Non, avec plaisir. Tu es heureux d'accomplir ce pilier de l'islam et obéissez à vos autorités, à vos gouvernants, vous entrerez dans le paradis de votre Seigneur. Vous accomplissez tout cela, vous entrerez, inshallah, au paradis. Rapporté par Ibn Abi Asim, d'après Abu Umam al-Bahili, radiallahu anhu. وقال عليه الصلاة والسلام, إن السامع المطيع لا حجة عليه. وإن السامع العاصي لا حجة له. رواه ابن أبي عاصم عن معاوية رضي الله عنه. Dans ce hadith rapporté par Ibn Asim, d'après Muawiya رضي الله عنه, le prophète صلى الله عليه وسلم dit, celui qui écoute et qui obéit, il n'y aura aucun argument contre lui. Et celui qui écoute mais qui désobéit, celui-là, il y aura un argument contre lui. Il y aura un argument contre lui. وقال عليه الصلاة والسلام, إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه. Donc dans ce hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura des troubles après moi et des choses que vous allez détester. Vous allez voir des choses détestables après moi. Les compagnons, radiyallahu anhu, ont dit, ô messager d'Allah, qu'est-ce que tu nous ordonnes? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire alors si ça arrive? Si on vient à vivre ces jours que tu nous dis, il leur a dit, vous acquittez de votre devoir. Votre devoir, vous en acquittez. Et vous demandez vos droits à Allah. Voilà ce qui est demandé. Il y a de l'injustice faite à ton encontre, ça ne te pousse pas à sortir des règles de l'islam. Toi, tu t'acquittes. Si quelqu'un t'a fait du mal, ça ne veut pas dire que toi tu dois répondre avec le mal. Ce n'est pas ça la réponse. Et puis encore dans ce domaine-là, envers les autorités. Mais ton droit, demande-le à Allah subhanahu wa ta'ala. Demande-le à Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois une personne, elle a un problème. C'est vrai qu'elle a vécu une injustice, un problème. Il va essayer de trouver tous les gens qui peuvent être avec lui. Et il monte les gens contre l'autorité. Alors à l'origine, c'est pour un problème personnel. S'il avait patienté, eh bien tout le monde aurait été dans un bien. Et lui, son droit, il le demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Et rien n'est perdu auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال أنس ابن مالك رضي الله عنه نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. أنس ابن مالك رضي الله عنه dit, les anciens parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont interdit certaines choses. Parce qu'Anas ibn Malik fait partie des jeunes sahaba. Donc il parle de ceux qui sont plus âgés, les plus anciens. Et on voit le respect qu'il y a entre les plus jeunes envers les plus anciens. Subhanallah. Donc, il dit, ils nous ont interdit en nous disant, n'insultez pas vos gouvernants. Ne les trahissez pas et ne les détestez pas et craignez Allah et patientez car la fin est proche. Tout a une finalité, c'est proche. قال أبو إسحاق السبيعي رحمه الله ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره. Il n'y a pas des gens, un peuple ou des gens qui insultent leur gouvernant sans qu'il soit privé de son bien. Comme punition, ils seront privés de son bien. قال معروف الكرخي رحمه الله من لعن إمامه حرم عدله. Il dit, celui qui maudit son gouvernant, il sera privé de sa justice. Il sera privé de sa justice. Donc, c'était quelques textes que j'ai préféré vous citer concernant le comportement du musulman vis-à-vis de l'autorité musulmane et des gouvernants musulmans. Parce qu'on entend beaucoup de choses. Et les gens mélangent. Et les gens se servent de certains versets, de certains hadiths, avec des compréhensions contraires à celles des pieux prédécesseurs. On revient à une des règles qu'on a vu tout à l'heure. Subhanallah. Avec leur propre explication. Et ils prennent comme référence des gens qui l'expliquent de leur manière. Mais qui ne sont pas les compagnons, radiallahu ta'ala anhum. Les Khawarij, qui sont les ancêtres de Jama'at al-Takfir, ceux qu'on a aujourd'hui. Mais la différence, c'est que ceux-là étaient sincères en général dans leur idéologie, alors que ceux d'aujourd'hui, la plupart, c'est qu'Allah qui sait leur réalité. Lorsqu'ils ont dit à Ali, radiallahu anhu, lorsqu'il a demandé, qu'est-ce que vous me reprochez? Ils se sont soulevés contre Ali, le quatrième calife bien guidé. Faut dire, ces gens-là, pris par ce genre d'idéologie, ils n'ont pas de limite. Même envers les compagnons, ils se sont soulevés. Que dire de quelqu'un d'autre? Et ils lui ont dit, la hukma illa lillah. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Quelqu'un dirait le contraire? Un bon musulman dira le contraire? Non. C'est une véritable parole. Le jugement appartient à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui juge, subhanahu wa ta'ala. Mais Ali radiallahu anhu, il a dit kalimatu haqqin ulida biha batil. C'est une vraie parole. Mais c'est un mal qui est voulu derrière cette parole. Il se cache derrière ses propos. Il se cache. Et au jour d'aujourd'hui, la plupart de ceux qui propagent ce genre d'idéologie, ils ne se servent même plus des textes religieux. Ils se servent de l'information. Ils se servent de ce qu'on voit, de ce qu'on entend dans les radios et les télés. Regardez ce qui se passe dans tel pays. Regardez ce que subit tel peuple. Et c'est vrai, ça peut être un mal. Et en tant que musulmans, ça nous touche. Mais ça ne légitime pas d'aller parler en mal et d'insulter des gouvernants. Ou de demander de soulèvement contre le gouvernant. Ce n'est pas ça la solution. La solution, elle est dans le retour au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des plus prédécesseurs. Et beaucoup de gens, de par leur ignorance et de par les ambiguïtés qu'ils ont, ils tombent dans ce piège-là. Et ils adoptent ce genre d'idéologie. Et à la fin, ils en arrivent à faire quoi? À mettre des bombes dans tel ou tel ou tel endroit. Ils ne respectent rien. Ils n'ont plus de limites. Et certains d'entre eux pensent être dans le vrai, alors qu'en réalité, ils ne sont que dans le faux. Et leurs agissements sont contraires à l'islam. Même si tu les vois en train de prier, jeûner, mais ils sont loin du véritable visage de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le dit bien sur le khawarij. يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقراءته إلى قراءتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. L'un d'entre vous, par qui alayhi salatu wassalam, aux compagnons, va mépriser sa prière par rapport à leur prière, sa lecture par rapport à leur lecture, tellement qu'ils en font dans ces œuvres. Mais ils sortent de la religion comme la flèche sort de sa cible aussi rapidement. Donc il faut faire attention. Tu peux le voir prier, jeûner, c'est une bonne chose, mais ça ne veut pas dire qu'il est sur le droit chemin et qu'il a la bonne compréhension de l'islam. Et c'est pour cela que il faut que chacun connaisse ses limites. Nous, on est des gens de la masse. Donc, on ne nous pose pas de questions religieuses. Lorsqu'on ne sait pas, les gens de la masse entre nous, on questionne les gens du savoir. Et ça, c'est un ordre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Et demandez aux gens du savoir lorsque vous ne savez pas. Quelle que soit la question, tu ne sais pas, tu demandes à plus savant que toi. Et si tu peux atteindre le meilleur des savants et la plus haute autorité religieuse, tu te dois de le faire. Si cela est possible. Regardez cet homme, parmi les enfants d'Israël, qui a tué 99 vies. Il a voulu se repentir. Il a demandé aux gens, dirigez-moi vers le plus savant. Vers le plus savant. Mais les gens l'ont dirigé vers un adorateur, quelqu'un qui est connu pour son adoration. Et il est parti le voir, il lui a dit, oh un tel, j'ai tué 99 personnes, ai-je le droit de me repentir? Cet homme a répondu avec ignorance. Et il lui a dit, non, c'est fini pour toi, tu n'as pas le droit de repentir. Cet homme, dans le désespoir, il l'a tué. Et ça fait 100 personnes. Puis, cette envie de se repentir est revenue. Et il a redemandé. Dirigez-moi vers le plus savant. Et là, on l'a dirigé vers le plus savant. Et il est parti le voir et il lui a dit, oh, un tel, j'ai tué 100 personnes. Ai-je le droit au repentir? Il lui a dit, bien sûr. Et qui veux-tu? Puis, qu'est-ce qui peut se mettre entre toi et ton repentir envers Allah? C'est qui peut se mettre en obstacle? Personne. C'est entre toi et Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais je te conseille, la région dans laquelle tu es, c'est une mauvaise région. Va plutôt vers tel endroit, tel village, où les gens là-bas adorent Allah. Et reste avec eux jusqu'à ce que la mort te vienne. Cet homme, et ça prouve que vraiment il s'est repenti, sur le champ, il s'est dirigé vers cette région, où il y a les gens qui adorent Allah. Et sur le chemin, il est mort. En route, il est mort. Mais il avait déjà entrepris le chemin. Et là, les anges du châtiment et les anges de la miséricorde se sont disputés le corps. Chacun prétendait qu'il lui appartenait. Les anges du châtiment ont dit, il n'a jamais fait de bien, il est pour nous, il doit être puni. Et les anges de la miséricorde ont dit, non, il est revenu repentant à Allah. Donc c'est à nous de le prendre. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un ange pour arbitrer. Et il leur a dit, regardez là où il est le plus près. S'il est le plus près de là où il venait, ce sera les anges du châtiment qui le prendront. Et s'il est plus près du village dans lequel il voulait aller, là où il y a des gens qui adorent Allah, alors ce sera les anges de la Miséricorde qui le prendront. Et il est dit dans une version qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à la terre qui était en direction du village dans lequel il voulait aller de se rapprocher et de là où il était parti de s'éloigner, de se rallonger. Et donc, c'est les anges de la Miséricorde qui l'ont pris pour cet homme. Regardez, il a cherché le plus savant. Quand on ne sait pas, on questionne et on demande. Et pas à n'importe qui, on se renseigne. Comme a dit Mohamed ibn Sirin, rahimahullah, « Inna hadha al-ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. » Certes, ce savoir est une religion, regardez donc de qui vous prenez votre religion. Donc on cherche les savants connus pour leur suivi de la sunna du prophète sallam et qui sont sur la voie des pieux prédécesseurs et qui appellent à ce chemin et reconnus pour cela, c'est vers eux qu'il faut retourner et leur demander pour être à l'abri des ambiguïtés. Et c'est pour cela qu'il faut boucher ses oreilles et ne pas écouter n'importe qui, n'importe quoi, ni lire de n'importe qui ou lire n'importe quoi. حب النبي صلى الله عليه وسلم قولا واتباعه فعلا. نعم parmi les règles il y a le fait d'aimer le prophète صلى الله عليه وسلم et de le suivre dans la pratique Allah تبارك وتعالى a révélé un verset qu'on appelle le verset de l'épreuve. Parce que des juifs de Médine ont prétendu l'amour d'Allah. Nous, on aime Allah. Allah tabaraka wa ta'ala a révélé « قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللَّهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ » Dit « Si vraiment vous aimez Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit trois choses, celui qui les aura amassées, assemblées, aura goûté à la saveur de la foi. Qu'Allah et son messager soient les plus aimés auprès de lui que quiconque. Et qu'il aime son prochain et ne l'aime que pour Allah. Et qu'il déteste retourner à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, comme il détesterait être jeté dans le feu de l'enfer. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Nul d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à qu'il m'aime plus que ses parents, plus que ses enfants, plus que tout le monde. Et on a cet amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on le prouve par notre obéissance, notre écoute, notre suivi du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Al-islamu dinu l'ittiba' l'ibtida'. L'islam, c'est la religion du suivi, non pas de l'innovation. Et on a parlé sur ce point-là dans le cours hier matin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rab. Celui qui invente une chose dans notre religion qui n'en fait pas partie est à rejeter. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rab. Celui qui fait un acte qui ne fait pas partie de notre enseignement est à rejeter. قال ابن تيمية رحمه الله: العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله nous dit: les adorations, les actes avec lesquels on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala sont basés sur la religion, la législation, le livre et la sunna et le suivi de la religion, non pas sur le suivi de la passion et l'innovation. قال الشيخ المعصوم محمد سلطان المعصوم رحمه الله: فكن مسلما لا تعبد الا الله ولا ترجو الا الله ولا تخف الا الله ولا تعبد الله الا بما شرع. Ce grand savant nous dit: sois donc un musulman qui n'adore que Allah, qui n'a d'espoir qu'en Allah, qui n'a de peur et de crainte que pour Allah, et n'adore Allah qu'avec ce qu'il a légiféré. Wa kama ra'ayna fi al-bidaya ittiba'u ad-dalil wa as-su'al 'an ad-dalil. Et n'a parmi les règles importantes, c'est qu'on suit les preuves. Et on demande après les preuves pour être sur une clairvoyance de notre religion. Parmi les règles aussi, il y a l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. D'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. D'ordonner le convenable. Et le plus grand des biens et du convenable, c'est d'inviter au monothéisme, à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rien lui associer, et d'inviter les gens aux obligations et aux choses qui sont demandées dans la religion, et d'interdire le blâmable et le mal, et le plus grand mal et le plus grand blâmable, c'est le polythéisme, c'est de donner à Allah un associé, et donc de mettre en garde les gens contre cela et contre les interdits et tout ce que rejette l'islam. De même, de mettre en garde contre les innovateurs, contre ceux qui dévient de la droiture, pour préserver la communauté de tout mal. Parce que la présence de ces gens-là nuit à l'islam et nuit aux musulmans. Parce qu'il y a des gens qui viendront à les écouter et de ce fait, ils seront égarés de la religion. Donc il faut se préserver. Et parmi les moyens de se préserver, c'est de mettre en garde contre ceux qui appellent à autre que la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la voie sur laquelle étaient les compagnons radiallahu ta'ala anhum, le chemin des savants qui sont sur cette droiture. Aïdan, aussi parmi les règles, la yughtarru bil kathra wa la yuzhadu bil qilla. Il ne faut pas être attiré par le grand nombre de gens et de suiveurs. De même, il ne faut pas s'éloigner du groupe parce qu'on le voit en petit nombre. Et on a vu ça aussi dans un cours précédent, que le grand nombre n'est pas une preuve pour dire que ces gens sont sur la droiture. Et le petit nombre n'est pas une preuve pour dire que ces gens ne sont pas sur la droiture. Mais il se peut que parfois, les gens soient sur la droiture et en grand nombre. Et il se peut aussi que des gens soient en petit nombre et soient déviés de, et ils dévient de la droiture. Mais seulement, ce n'est pas une règle, hein, qui est bonne à prendre tout le temps. Et on a bien vu que souvent, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous parle du grand nombre, c'est en mal et non pas en bien. Wa subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فيكم بارك الله